أوكي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc le sujet dont on va parler va aller une muhadara du Cheikh Saleh Al Fawzan aujourd'hui ensemble, et le sujet c'est bayan haqiqat al tawhid alladhi ja'at bihi ar rusul wa radd ash shubuhat allati usirat hawlahu, c'est-à-dire la clarification de la réalité du tawhid qui a été ramenée par les messagers et la réfutation de certaines des shubuhat qui ont été ramenées autour du sujet du tawhid. Donc le Cheikh il commence, il dit alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم، فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها وسلامة أفكارها، ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة، فكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le Cheikh il commence en faisant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum wa rahmatullah, et il envoie la paix et le salut sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, et sur tous ceux qui se sont accrochés à sa sunna et qui ont suivi cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, le Cheikh il dit que la aqida c'est la base sur laquelle les nations sont établies et sont bâties. Donc, si on veut qu'une umma soit disons correct et bonne, et qu'elle soit établie sur quelque chose qui va la permettre d'évoluer, il faut que cette umma ou cette nation soit rattachée à quelque chose, c'est-à-dire à une aqida, et une aqida qui est propre, une aqida qui est saine, et il faut que cette nation également ait établi, disons, dans ses idéologies, dans sa façon de penser, quelque chose de propre et de sain aussi. Donc plus la nation s'attache à une aqida qui se rapproche de la vérité et qui se rapproche du tawhid, plus qu'elle sera une civilisation, plus qu'elle sera élevée, et plus qu'elle se rattache à des formes d'égarement et des formes d'éloignement du tawhid, et bien plus qu'elle sera une nation qui va être basse, qui va être abaissée. Donc, à partir de ce point-là, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi que les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont toujours commencé leur travail, leur tâche, leur da'wah par la réforme de la croyance, par la réforme de la aqidah, parce que c'est la base sur laquelle tout est établi. Chaque messager, lorsqu'il arrivait à son peuple, la première chose qu'il leur disait c'est « Adorez Allah, vous n'avez rien comme divinité en dehors de lui. Il n'y a rien en dehors de lui qui mérite d'être adoré. » Ça c'est le verset 59 dans Al-A'raf. Ensuite, il mentionne le verset 36 dans Surat al-Nahl, et nous avons certes ressuscité dans chaque nation un messager. Et ce messager-là, il leur disait quoi? À cette nation, il leur disait, adorez Allah seul et écartez-vous du ta'arut. Écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et écartez-vous du shaitan, écartez-vous des idoles, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est ça le Tâghût. Et il mentionne également que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute la création dans le but qu'il l'adore. C'est-à-dire tous les êtres humains et les djinns ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il l'adore lui seul, sans aucun partenaire, aucun associé dans l'adoration. Et il mentionne le verset 56 dans Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc ça c'est la base, et ça c'est l'introduction. Ensuite le shaykh il explique, il dit « Al-ibadatu haqqullah ala ibadihi » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا الحق هو أول الحقوق على الإطلاق ولا يسبقه شيء ولا يتقدمه حق أحد ولا يتقدمه حق أحد. Ça veut dire que l'adoration c'est le droit d'Allah exclusif. Chacun aujourd'hui maintenant on entend dans les différents pays, dans les différentes sociétés, tout le monde demande leur droit. On veut notre droit, ça c'est notre droit. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il a aussi un droit, et ce droit là c'est l'adoration. Et ce droit-là, c'est son droit exclusif, il ne le partage avec personne d'autre. Donc, ça c'est le droit qu'il a sur toutes ses créatures, tous ses serviteurs, tous les êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça lorsqu'il était avec Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu. Il lui a dit, « Oh Mu'az, est-ce que tu sais quel est le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, et le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala ?» Eh bien, le sahabi, Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, il a dit, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. C'est-à-dire, Allah et son messager savent mieux la réponse à cette question. Quel est le droit d'Allah sur son serviteur, ou quel est le droit du serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la suite. Il a dit, le droit qu'Allah assure ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans rien associer avec lui. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que celui qui n'a rien associé avec Allah dans son adoration, eh bien, il ne sera pas puni. Il ne va pas être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala du moment qu'il n'a pas commis le shirk. Et ça donc, c'est le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a, et c'est le premier de tous les droits, hein, de façon absolue. Il n'y a pas un droit qui précède celui-là, et qui vient devancer celui-là. C'est le premier, et le plus important. Et donc les hommes, avant de commencer à demander leurs droits et à parler des droits, ils devraient commencer par parler du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas respecté, eh bien il n'y a aucun autre droit qui va être respecté de toute façon. Puisque ça c'est le plus important. Le cheikh dit ensuite, وَقَالَ تَعَالَى وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولأسبقية هذا الحق وأولويته على سائر الحقوق وكونه الأساس الذي ينبني عليه سائر أحكام الدين نرى النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى القيام به ونفي الإشراك عنه وجاء القرآن الكريم في معظم آياته بتقريره ونفي الشبه عنه ونفي الشبه عنه كل مصل كل وكل مصل فرضا أو نفلا يعاهد الله على القيام به في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et certes Allah a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui, et le bon comportement envers les parents. Donc ça c'est l'ordre du tawhid, d'adorer rien excepté lui, d'adorer rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et pardon, je m'excuse. Et puis il mentionne aussi dans le verset 151 dans Surah Al-An'am, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم, dit, venez que je vous mentionne venez que je vous récite ou que je vous dise ce que votre Seigneur vous a interdit. pour ce que votre Seigneur a interdit pour vous. Et la première chose qu'il énumère parmi les choses qu'il mentionne, c'est de rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne rien associer avec lui dans l'adoration, et ensuite d'avoir le bon comportement envers les parents. Le cheikh il dit, étant donné que ce droit il a la priorité et qu'il a la précédence sur tous les autres, eh bien, il a la précédence sur tous les autres droits, étant donné que c'est la base sur laquelle toutes les autres règles de l'islam sont établies, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca pour établir justement et appeler les gens à établir cette chose-là et à nier l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala et réfuter les doutes et les ambiguïtés et les shubuhat que les mouchriquins pouvaient essayer de jeter à ce sujet-là. Donc 13 ans il est resté pour établir la base de cette aqidah et de ce tawhid. Imaginez, yani, quand on pense à cette réalité-là, que yani, les autres règles de l'islam, de la prière, du jeûne, du hajj, zakat, et toutes les autres choses qui ont rapport avec l'islam, tout ça c'est venu 13 ans par la suite, lorsque le tawhid était vraiment bien compris et bien établi dans le cœur des gens. Et donc le cheikh il dit que la plupart des versets dans le Coran, il y a justement la confirmation du tawhid et il y a également la négation, comme on a dit, des shubuhat. Et chaque personne qui fait la salat, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire ou qui n'est pas obligatoire, il y a une nafl comme on dit, eh bien il prend une entente avec Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque fois qu'il récite al-Fatiha, quand il dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » il prend un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et il dit que il ne va rien de, c'est-à-dire iyyaka na'budu, c'est toi seul qu'on va adorer, wa iyyaka nasta'in, c'est à toi seul qu'on va demander de l'aide, à personne d'autre, hein. Et donc ça c'est l'établissement du tawhid dans sourate al-Fatiha, l'ordre d'adorer que Allah et de ne demander l'aide que de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit هذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد أسماء لمسمى واحد وهذا التوحيد المركوز في الفطر ما وهذا التوحيد مركوز في الفطر وما من مولود إلا يولد على الفطرة وإنما يطرأ الانحراف عنه بسبب التربية الفاسدة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهذا التوحيد أصل في العالم والشرك طارئ عليه ودخيل فيه قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا لشيخ الفيه que ce droit, ce grand droit, on l'appelle le tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, de croire que Allah est unique et de l'unifier dans notre adoration, et de l'unifier dans l'adoration, c'est-à-dire le tawhid al-ibada, il a plusieurs noms, on l'appelle tawhid al-ibada, on l'appelle aussi tawhid al-ilahiyya, al-ilahiyya ça veut dire al-ibada, aussi ça veut dire la même chose, et on l'appelle aussi tawhid al-talab wal-qasd, le tawhid de la demande et de l'intention. Ok? Tout ça, c'est des noms différents pour une seule et même chose, c'est-à-dire le tawhid de l'adoration. Et ce tawhid-là, il est déjà inscrit dans notre nature profonde. Chaque être humain, il sait au fond de son cœur qu'il est créé par un créateur et il sait qu'il doit l'adorer et que c'est lui seul qu'il doit adorer et que tout ce qui est adoré en dehors de lui il ne mérite pas d'être adoré parce qu'ils ne peuvent pas créer et ils n'ont pas de contrôle sur rien dans cet univers. Donc ça c'est écrit dans notre fitra et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça en disant que chaque enfant qui naît, hein, il naît sur la fitra et la fitra c'est l'islam, c'est le tawhid, okay, et c'est par la suite que vient la déviation quand il grandit à cause d'une mauvaise éducation, quelque chose comme ça, les parents font de lui un chrétien, ou un juif, ou un chrétien, ou un majus, ou une autre croyance parmi les croyances, ou bien un athée, ou autre, à cause de la mauvaise éducation qu'il reçoit, l'enfant, il dévie de sa fitra. Donc, on est tous, en fait, nés tous sur l'islam. Chaque enfant qui naît, même les enfants des chrétiens, les enfants des juifs, les enfants des autres religions, ils naissent tous sur l'islam à la base. Et c'est leurs parents qui les font dévier s'ils ne sont pas sur le tawhid. Et ce tawhid, c'est la base, c'est l'origine dans ce monde, sur cette terre. Les premiers êtres humains, ils étaient tous sur le tawhid. Après Adam, alayhi salam, ils étaient tous sur le tawhid. Il n'y avait pas d'autre religion que le tawhid et l'islam. C'est par la suite que le shirk est apparu dans l'humanité. Donc à la base, c'était le monothéisme, le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait pas de shirk. C'est par la suite que le shirk est entré dans le monde. Et cette idée-là, justement, que les kuffars ont propagé et ont enseigné, qu'à la base il y avait de l'idolâtrie et que tout le monde adorait des idoles, puis que par la suite le shirk a diminué jusqu'à ce que les hommes deviennent monothéistes ou qu'ils commencent à croire en un Dieu unique, ça c'est une fausse notion que les mouchriquins ont, qui est contraire à la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans la révélation. Et le shirk, il mentionne les versets qui prouvent ça justement. Le verset 213 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les hommes à l'origine ne formaient qu'une seule communauté, une seule communauté, une seule umma. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a fait susciter des messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment, et il a fait descendre avec eux des livres avec la vérité pour que les gens puissent juger, hein, pour que les messagers puissent juger entre les hommes dans les choses sur lesquelles ils avaient divergé. Dans les choses sur lesquelles ils avaient divergé, dans la religion, dans la croyance ou dans d'autres choses de la vie. Ok? Et il mentionne le verset 19 dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les hommes, ils ne formaient qu'une seule communauté, une seule umma, puis après ils ont divergé. Après le shirk est apparu. Et c'est pour ça qu'ils ont divergé entre eux par la suite. Puis Allah a fait susciter des messagers, des prophètes, les uns après les autres par la suite, pour les ramener au tawhid, pour les ramener à l'origine. D'accord? Le Cheikh il dit, قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. قال العلامة ابن القيم هذا هو القول الصحيح في الآية وذكر ما يعدده من القرآن وصححه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره. وأول ما حدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالحين واستكبروا عن دعوة نبيهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا. للشيخ الزكاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما il a expliqué que à l'origine entre Nuh et Adam il y avait 10 générations. Entre Nuh et Adam il y avait 10 générations, et chacune d'entre elles était sur une charia de la vérité. Était sur une charia de la vérité. Ça c'est rapporté dans Tafsir ibn Kathir. Après le Cheikh il dit, et l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il dit que cette parole c'est l'opinion ou la position qui est correcte à ce sujet-là. Et il a mentionné les versets pour supporter ça dans le Coran. Ensuite il a dit que Al-Hafiz ibn Kathir, il a également authentifié cette position-là, et il a dit que c'est ça qui est sahih. Et il a dit que le shirk est apparu la première fois dans le peuple de Noé, le peuple de Noé, alayhi salam, lorsqu'ils ont exagéré au sujet des salihin, au sujet des hommes pieux, et qu'ils se sont enflés d'orgueil face à la da'wah de leur prophète. Et dans le verset de Surat Nuh, on le voit dans le verset 23, les mouchriquins, ils disent à leur peuple, n'abandonnez pas vos idoles et vos divinités, ce que vous adorez, et n'abandonnez pas les noms des 5 personnes qu'ils adoraient, qui s'appelaient Wad, Yeshua, Yahouf, Yahouk et Nasr. Ça, c'est les divinités qu'ils adoraient, qui étaient à la base des hommes pieux, comme on va voir, qui, par la suite, après leur mort, le shaitan leur a inspiré de faire leurs images, leurs statues, puis après ils ont fait ça, puis après des générations après, ils ont commencé à les adorer, et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme ça que l'idolâtrie est entrée dans l'humanité. Et le shaykh dit, wa qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك تنسخ العلم وعبدت حتى إذا هلكوا أولئك وتنسخ العلم عبدت Le Cheikh explique que l'imam al-Bukhari l'a rapporté selon Abdullah ibn Abbas dans son Sahih que ces noms-là, c'est les noms des hommes pieux dans le peuple de Nuh. C'était des hommes pieux. Et lorsqu'ils sont morts, le shaitan leur a inspiré, hein, a inspiré à ce peuple, au peuple de Nuh, de faire leurs images, de les mettre à l'endroit où ils se réunissaient. Et ils ont donc fait leurs statues à ces endroits-là, ou leurs images, et puis ils ont par la suite donner à ces statues-là leur nom. Et après, donc, au moment où ils ont fait ça, ils n'ont pas adoré ces choses-là. Ils ne les ont pas adorées. Mais quand cette génération-là est morte, une autre génération est venue par la suite et ils ont commencé à les adorer par la suite. Et donc, ça, c'est le danger. Hein, c'est pour ça que Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il disait, dans une affaire qu'il dit, « La ya'rifu l'islam man lam ya'rifu l'jahiliya » Il dit, celui qui n'a pas connu la jahiliya, il n'a pas connu l'islam. Celui qui n'a pas connu la période pré-islamique, à l'époque où les gens adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et faisaient le shirk, il ne connaît pas bien, il ne va pas connaître l'islam comme il faut. Parce que pour connaître l'islam, il faut connaître qu'est-ce qui s'oppose à l'islam, pour avoir une meilleure compréhension aussi. Et Omar ibn Khattab il disait تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية c'est-à-dire que le câble de l'islam il va s'effiler fil par fil lorsque des gens vont naître dans l'islam sans avoir connu la jahiliya et donc c'est ça ce qui est arrivé lorsque les premiers musulmans ont entendu la da'wa de l'islam ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient quitté quand ils embrassaient l'islam ils savaient l'égarement dans lequel ils vivaient auparavant et quand ils ont accepté l'islam c'était parce qu'ils ont vu clairement que c'était la lumière que c'était la vérité et quand les autres sont nés dans l'islam maintenant eh bien ils ont ignoré justement qu'est-ce qui se passait auparavant et dans l'égarement dans lequel les gens vivaient et ils ont pris ça pour acquis Et c'est comme ça que petit à petit, l'islam s'est effiloché. Disons, le câble de l'islam commence à s'affaiblir. Jusqu'à ce que, par la suite, des gens commencent à revenir encore une fois, s'accrocher fermement au câble. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et le cheikh dit, « Wa qala l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa qala ghayr wahidin min al-salaf, lamma matu akafu ala quburihim, thumma sawwaru tamathilahum. » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم donc l'imam ibn al-Qayyim il le dit lui aussi dans Irasat al-Lahfan il explique qu'il y a plusieurs des salafs qui ont expliqué que lorsque ces hommes là sont morts ils ont mis ça auprès de leur tombe ils ont fait comme des images ou des statues de ces hommes pieux là et après un certain temps quand ils ont commencé à oublier et ben ils ont adoré ces êtres là ces hommes là إذا الشيخ ذي ثم قال رحمه الله وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام لكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما في قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين أما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم وجعلوا لهم بيوتا وسندة وحجابا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وعليكم السلام ورحمة الله بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه الشيخ dit que l'imam Ibn al-Qayyim il explique encore il dit que le shaitan a joué avec les mushrikin wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh donc le shaitan a joué avec les mushrikin dans l'adoration des idoles, pour les tromper, pour les inciter à adorer les idoles. Chaque peuple, le shaitan est venu pour les tromper et jouer avec leur esprit selon le niveau de leur raison et de leur compréhension. Hein? Donc certains, ils ont peu de raison, ils les trompent d'une façon plus simple. D'autres, ils ont plus de raison, alors ils les trompent d'une manière plus sophistiquée. Hein? Il sait comment adapter le shirk selon la mentalité des peuples vers qui il va pour les appeler au shirk. Hein? C'est pour ça que déjà maintenant ils font dans les sociétés comme par exemple les sociétés occidentales qui sont soi-disant modernes, ils se croient évolués et ils croient qu'ils ont atteint un degré que maintenant ils n'ont plus besoin de la religion, donc ils ont inventé qu'est-ce qu'ils appellent la laïcité. Et dans la laïcité, c'est la même chose que l'idolâtrie, hein, dans le sens que pour eux, toutes les divinités sont égales. Et tout le monde peut adorer ce qu'il veut. Et si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, si tu adores une statue ou une idole ou tout ça pour eux c'est la même chose. Pas de différence, pas de distinction. Tu vas adorer la croix, tu vas adorer Jésus, tu vas adorer Marie, tu vas adorer les divinités des hindous ou des bouddhistes ou des autres, c'est pas grave. Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux c'est la même chose. Il n'y a pas un Dieu de vérité, un Dieu qui est contraire à la vérité. Pour eux, tout est pareil. Et ça, c'est l'égarement total. Hein? Donc, le cheikh, il dit que chaque peuple, il a eu une ruse. Le shaitan a rusé avec eux, puis a joué avec eux d'une façon différente. Et comme, par exemple, l'exemple du peuple de Noé, il les a eus, il a réussi avec eux par le fait de les appeler, par le fait de montrer du respect envers les morts. S'il leur dit, vous devez respecter les morts, ces hommes-là sont des grands hommes, ils ont fait des grandes choses, donc il faut se rappeler d'eux, il faut montrer le respect envers eux. Hein, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à les amener vers le shirk, et à les faire tomber dans le shirk. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont été trompés en prenant des idoles qu'ils ont dessinées selon les constellations dans le ciel. Et ils croyaient que ces différentes constellations qu'ils avaient, comme des étoiles et tout ça, ils croyaient que ça avait un effet dans les événements de qu'est-ce qui se produisait dans le monde. Hein, ce qu'on appelle As-Sabi'a. Qui était, dans le peuple de Ibrahim à l'époque. Donc le peuple de Ibrahim, alayhi salam, ils adoraient des idoles et des statues. Mais à la base, il référait ces idoles-là à des représentations des constellations qu'il y avait dans le ciel et des étoiles. Et il croyait que ces étoiles-là avaient une influence et un impact sur ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. Hein? Et encore aujourd'hui, il y en a qui croient à l'astrologie et qui pensent que la position des astres a un impact ou un effet sur nos vies. Et donc, il y a des gens qui consultent à chaque fois leurs horoscopes pour essayer de savoir qu'est-ce qui va leur arriver dans l'avenir, et ça, il n'y a pas de doute aussi que ça fait partie du shirk, hein, et que c'est une forme d'égarement, puisque les étoiles sont des matières inertes que Allah a créées, et elles n'ont aucun pouvoir, ni aucun contrôle sur quoi que ce soit de ce qui peut se produire dans l'univers, puisqu'elles sont contrôlées elles-mêmes par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shirk, il dit, c'est de cette manière-là que le peuple de Ibrahim a été trompé. Et il construisait donc pour ces idoles-là et pour ces représentations qu'il faisait des étoiles, des temples, des endroits qu'il couvrait de voiles ou des revêtements avec des tissus, des choses comme ça. Et il leur offrait aussi des offrandes sur des autels. Hein, il venait sacrifier des animaux pour ces idoles-là, etc. Donc ça existait, ça existait dans le passé et ça existe encore aujourd'hui. Et le cheikh il dit que ça c'était à la base de la voix des mouchtikines parmi les Sabi'a du peuple d'Ibrahim. Et Ibrahim a débattu avec eux, il a argumenté contre eux, il a démontré la fausseté de leur shirk. Il a démontré la fausseté du shirk que ces gens-là faisaient avec ses arguments et également il a détruit leurs idoles avec sa main. Hein, et donc, ils ont même essayé par la suite de le brûler. Le cheikh dit, « وَطَائِفَةٌ أُخْرَى اتَّخَذَتْ لِلْقَمَرِ صَنَمًا وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةِ وَإِلَيْهِ تَذْبِيرُ هَذَا الْعَلَمَ السُّفْلِ وَطَائِفَةٌ تَعْبُدُ النَّارِ وَهُمُ الْمَجُوسِ يبنون لها بيوتا كثيرة يتخذون لها الوقوف والسند والحجاب فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة. Le cheikh dit, il y en a d'autres mouchriquins, le shaitan les a trompés et les a égarés par l'adoration de la lune. Et ils ont fait une idole sur la terre qui représentait la lune. Et ils sont commencés à l'adorer, ils ont cru qu'elle méritait de l'adoration et ils lui ont attribué le contrôle de qu'est-ce qui se passait dans le monde. Hein, donc ça c'est un autre groupe. Un autre groupe ont été déviés par le shaitan dans l'adoration du feu. Ils ont commencé à adorer le feu et ce sont les Majus. Et ils ont construit pour le feu des temples et ils se tiennent devant ces temples-là et ils ont des gens qui se tiennent, qui s'occupent de garder le feu toujours allumé pour qu'il ne s'éteigne jamais. Donc ils ne le laissent jamais s'éteindre, même pas un instant. Et ça c'est leur divinité. Un autre groupe, le Cheikh dit, وطائفة تعبد الماء وتزعم أن الماء أصل كل شيء وبه كل ولادة ونمو ونشو وطهارة وعمارة وطائفة تعبد الحيوانات وطائفة عبدت الخيل وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وطائفة تعبد الجن وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الملائكة انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. Donc le chef il dit, il y a d'autres également parmi les hommes, il y en a qui adorent l'eau, ils adorent l'eau et il y en a qui ont le dieu de la mer, le dieu des rivières, le dieu de la forêt, etc. Mais le chef il mentionne l'exemple de l'eau ici, ils ont dit que l'eau est à la base de toute chose et donc ils ont dit c'est de ça que vient la naissance, c'est de ça que vient la croissance, c'est de ça que vient la croissance et la purification et la construction, etc. Donc ils ont dit, étant donné que l'eau sert à toutes ces choses-là, eh bien, ils ont commencé à l'adorer. D'autres ont adoré des animaux. Donc il y en a qui adorent des animaux, et ça, vous le savez, il y en a en Inde qui adorent toutes sortes d'animaux, la vache, le cheval. Il y en a qui adorent même les rats, une fois j'ai vu un reportage sur les rats en Inde, et puis ils ont un temple pour le rat, et à l'intérieur du temple il y a une grosse statue de rat, et puis à l'intérieur du temple il y a des gens qui viennent pour nourrir les rats qui viennent, et dans le village où il y avait cette divinité-là, il y avait tellement de rats, il y avait une infestation de rats, tellement il y en avait. Et ils interdisaient aux gens de les tuer parce qu'ils croyaient que c'était leur divinité. Et donc les gens tombent malades à cause de ça. Donc ça c'est pour montrer l'égarement des hommes lorsqu'ils s'égarent du droit chemin et lorsque le shaitan les séduit et les fait tomber dans le shirk, ils font des choses qui ne font aucun sens. Et donc, le musulman il voit ça, il dit « La ilaha illallah ». Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et toutes ces choses-là que les mouchriquins adorent, on dit ça, tout ça c'est des choses fausses. Mais il y a d'autres kuffars et d'autres mouchriquins qui disent non, tu peux adorer ce que tu veux, tu peux croire en ce que tu veux, c'est pas grave. Pour eux, tout est pareil. Et ça, bien entendu, c'est pas de l'égard, c'est pas la guidance, c'est pas le droit chemin. Le cheikh il dit, ومن الأثر الذي مر من رواية البخاري عن ابن عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قوم نوح ندرك أولا خطورة تعليق الصور على الجدران ونصب التماثيل في المجالس والميادين وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك بحيث تتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل إلى عبادتها واعتقاد جلب الخير ودفع الشر منها كما حدث لقوم نوح. Le cheikh il dit, à partir de l'exemple qu'on a mentionné de la narration de l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'Abdullah ibn Abbas avait dit, comment le shirk est apparu dans l'humanité, on peut comprendre certains points importants. Parmi les exemples, c'est que on comprend le danger d'accrocher des images et des représentations sur les murs et de mettre des statues dans les assemblées et dans les lieux où les gens se réunissent, où les gens passent. Parce que ça amène les gens à la longue au shirk. Hein, parce qu'avec le temps, les gens exagèrent dans la vénération ou dans le respect de ces images et de ces idoles, puis à la fin, ils les adorent ou bien ils commencent à croire que ces statues ou ces idoles ou ces représentations ont un pouvoir de ramener un bien ou de repousser un mal, comme c'est arrivé à l'époque de Nuh alayhi salam. وندرك ثانيا مدى حرص الشيطان على إضلال بني آدم ومكره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية الاستغلال استغلال العواطف ودعوة الترغيب في الخير فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم في الصالحين ولوعهم في الصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة بحيث أمرهم بنصب صورهم على المجالس وهدفه من هذا الخروج بهم عن جادة الصواب. Le cheikh il dit deuxièmement, on peut voir comment le shaitan a un désir ardent et qu'il ne cesse jamais ses efforts pour essayer d'égarer les fils d'Adam et de faire des ruses contre eux hein, pour les faire tomber dans le shirk, et il utilise parfois même la ruse de jouer avec les sentiments de ces gens-là. Et les sentiments, parfois, bien entendu, ça peut toujours être des bonnes choses si on les applique et qu'on les gère dans les limites de la charia et dans les limites de l'islam. Toutefois, si on dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ces sentiments-là, eh bien, ça peut nous faire tomber dans l'égarement. Par exemple, le respect et l'amour qu'on peut avoir pour les hommes pieux. Eh bien, si c'est bien encadré dans les limites de l'islam, c'est quelque chose de bien. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, c'est quelque chose de bien d'aimer les salihines, d'aimer les hommes pieux. Mais si ça dépasse la limite et si c'est exagéré, eh bien, ça peut nous faire tomber dans le shirk, comme c'est arrivé à l'époque de Nuh. Donc, le shaitan, il sait comment manipuler les sentiments et jouer avec les émotions des gens et justement et les pousser à tomber dans l'exagération au sujet des hommes pieux et puis arriver justement à commettre le shirk. De même que la colère ou les autres émotions qu'on peut avoir, il faut les contrôler parce que si on ne les contrôle pas, on tombe dans l'exagération. Hein. On dépasse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, dans le contexte que le cheikh a mentionné, l'exemple qu'il a mentionné, c'est par rapport à l'amour des hommes pieux, comment les gens ont exagéré à ce sujet-là. Il y en a encore aujourd'hui parmi les musulmans qui exagèrent à propos des hommes pieux dans les pays musulmans avec les tombes des salihines et ils vont là-bas chercher la baraka et sacrifier des bêtes pour ces tombes et leur demander al-madad ou des choses comme ça. Hein. Et donc ça c'est des exemples de la chose qui est arrivée à l'époque de Nuh, elle continue encore aujourd'hui même parmi les musulmans au nom de mahabbat al-salihin ou al-ta'zim al-salihin ou ihtiram al-salihin ou bien tous ces exemples-là avec les hommes pieux, comment ils prétendent les aimer en faisant ces choses-là. Et ça les a fait dévier par la suite à la fin. الشيخ يقول ensuite وندرك ثالثا أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء الأجيال الحاضرة بل يمتد إلى الأجيال المستقبلة فإنه لما لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوح طمع في الجيل المقبل ونصب له الأحبولة. Donc il mentionne ici que on peut comprendre également parmi les exemples qu'on a tirés de les leçons qu'on peut tirer de cet exemple, comment le shirk est apparu dans le peuple de Noé, que le shaitan il regarde à long terme pour égarer les gens. Et donc il regarde pas seulement la génération dans laquelle c'est produit, par exemple la construction de ces idoles ou de ces images, mais lui il a pensé plus loin. Il a pensé aux enfants et aux autres générations qui allaient venir après, qui allaient peut-être être égarées et tomber dans le shirk. Et lui, il planifie donc à long terme. Il voit loin, d'accord. Et des fois, nous, par contre, on a une vision qui est courte. Alaykoum salam, rahmatullah. On ne pense que au temps présent et au moment présent, et on ne réalise pas que justement, même si aujourd'hui on est sur la bonne voie ou le droit chemin, sur le tawhid, ça ne veut pas dire que on va le rester, ça ne veut pas dire non plus que nos enfants vont être là-dessus, ça ne veut pas dire que nos petits-enfants vont être là-dessus, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de préserver cette aqidah. Donc ça c'est très important, et surtout dans une société comme ci, parce que nos enfants, s'ils ne sont pas éduqués sur le tawhid et si on ne leur donne pas la bonne aqidah, peut-être que, c'est ça, on a vu ça au Canada, on a vu ça aux États-Unis, peut-être que ici aussi c'est la même chose, un frère il devient musulman, il accepte l'islam, et il se marie avec une femme musulmane, il a des enfants avec cette femme-là, et puis après il a des enfants. Commence à avoir des enfants. Les enfants, quand ils sont tout petits, mashallah, tout est beau. Ils font la salat avec leurs parents, ils veulent faire comme eux et tout. Après, ils rentrent au primaire, ils commencent à changer un petit peu. Puis après ça, c'est le secondaire. Après, ils commencent à changer beaucoup parfois. Et puis après, tu vois que quelques années après, on a perdu le fil. C'est-à-dire que cet islam, elle est rentrée dans une génération, mais elle n'a pas été préservée pour qu'elle reste dans les générations futures. Tandis que les sahaba, on voit qu'est-ce qui est arrivé après, après eux. Les enfants des sahaba ont gardé l'islam. Et les enfants des enfants des sahaba, la même chose. Et que ça s'est, préservé de génération en génération par la suite, jusqu'à toutes les populations de musulmans qui vivent aujourd'hui dans le monde. Et donc, ça c'est pourquoi, parce qu'ils ont fait en sorte de préserver l'environnement et non pas seulement de chercher à rester, disons, eux-mêmes musulmans pour leur, de façon individuelle. Parce que maintenant, on a cette mentalité individualiste de dire, je pratique l'islam, moi je pratique l'islam aujourd'hui, mais on pense pas à long terme, puis on pense pas sur le plan de la communauté en entier, qu'on doit préserver notre islam. Et donc ça c'est en même temps un petit point pour nous inciter à comprendre l'importance d'habiter, de vivre dans un environnement qui est islamique et qui est basé sur l'islam. Et que si tu vis dans cet environnement-là, toi tu vas pouvoir préserver ta foi et tes enfants aussi, et que toutes les structures de cette société-là sont établies sur l'islam, même si, même si c'est pas à la perfection, même si c'est pas à 100%, mais quand même à la base, il y a des choses élémentaires de base qui sont respectées des règles de l'islam dans la vie du musulman. Donc ça c'est important. Et puis le cheikh il dit ensuite comme quatrième point, وَنُدْرِكُ رَابِعًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّسَاهُلْ فِي وَسَائِلِ الشَّرِّ بَلْ يَجِبُ قَطْعَهَا وَسَدْ بَابَهَا. Il dit que, quatrièmement, il est important, il n'est pas permis de prendre à la légère les moyens qui peuvent amener les gens vers le mal, les choses qui peuvent amener les gens vers le mal ou vers le shirk. C'est obligatoire de les couper et de fermer la porte à tout ce qui peut amener les gens à tomber dans le mal. Donc l'islam, il n'est pas seulement venu interdire le mal, mais interdire tout ce qui peut t'amener au mal, même s'il n'est pas mal en lui-même. Ça aussi c'est très, très important. Après le cheikh dit, وندرك خامسا فضل العلماء العاملين وأن وجودهم في الناس خير وفقدانهم شر فإن الشيطان لم يتمكن من إغواء القوم حتى فقدوا. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Cinquièmement, et ça c'est un point très important, on voit dans cette histoire de Abdullah ibn Abbas comment le shirk est apparu dans l'humanité. On voit l'importance des ulama et le mérite que possèdent les ulama. Parce que lorsqu'ils sont présents, ils amènent du bien, ils gardent les gens dans le bien. Mais lorsqu'on les perd, eh bien, ça amène du... c'est là que le mal peut rentrer facilement chez les gens. Pourquoi? Parce que le shaitan n'a pas réussi à s'introduire et à s'établir parmi eux lorsque les ulama étaient présents, lorsque les gens qui étaient parmi eux avaient du savoir et connaissaient le tawhid. Mais quand ces gens-là sont morts, eh bien les gens en ont profité, le shaitan en a profité pour les égarer. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait toujours, qu'on reste toujours près des ulama et de savoir leur importance. Parce que c'est eux qui ont la science, qui sont capables de réfuter les shubuhat et qui sont capables d'éliminer les doutes que le shaitan peut essayer de venir jeter sur nous, ou bien les idolâtres, les mushrikin, qui veulent appeler les gens à l'idolâtrie, au shirk. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si des gens de bid'ah, des mushrikines ou des gens d'égarement veulent égarer les musulmans du droit chemin, s'il n'y a pas d'ulama parmi eux, c'est très difficile. c'est très difficile pour eux de réfuter ce qu'ils disent. Et il y en a parmi les gens qui vont les écouter, qui vont croire que ce qu'ils disent c'est vrai et qui risquent de s'égarer. Mais quand il y a un alim qui est là, ils vont rien dire, ils vont pas dire un seul mot, même ils vont se cacher. Et c'est ça ce qui se passe souvent quand, en Occident par exemple, les gens de Bid'ah et les Hizbiyin et les autres, hein, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'ulama en Occident, mais il n'y en a pas du tout, et ils en profitent. Et ils appellent les gens ouvertement à toutes leurs idées, à toutes leurs faussetés. Mais si tu amènes un alim devant eux, ils ne vont pas dire un seul mot, ils ne pourront même pas parler. Parce qu'ils savent que n'importe quelle chose qu'ils vont dire, ils vont être réfutés sur le champ. Et on va clarifier à tout le monde qu'ils sont dans l'égarement et que qu'est-ce qu'ils font, c'est contraire à la vérité. Hein, donc, comme on dit en français, quand le chat dort, les souris dansent, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, il n'y a pas de chat ici, donc les gens de Bid'a, ils en profitent. Il n'y a pas de ulama, donc ils en profitent pour agir, travailler, faire leur da'wah, sont actifs. Mais quand on fait venir un cheikh ou un alim d'un pays musulman qui vient ici pour commencer à faire la da'wah, si on les appelle ces gens-là, on dit venez vous asseoir devant le cheikh, venez argumenter avec lui ou débattre avec lui, amenez vos choubouhats, ils s'enfuient, ils ne veulent pas venir s'asseoir devant le cheikh, parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant les ulama. Hein? Donc ça c'est très important. Donc le cheikh il dit « Anwa' al-Tawhid ». إن التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية المتمثل بالإقرار بالخالق وانفراده بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع الشر وهذا النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق حتى إن المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ينكرونه كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لشيخ الزي لكاتيغوري دو توحيد لكاتيغوري دو توحيد سون دو دو en fait il y a des ulama qui ont divisé le tawhid en deux catégories. Et il y a des ulama qui ont divisé le tawhid en trois catégories. Et ceux qui divisent le tawhid en deux catégories, ou bien en trois catégories, ils disent tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma et al-sifat. Et les ulama qui le divisent en deux catégories, eux, ils ont mis tawhid al-asma al-sifat et tawhid al-rububiyya ensemble, et ils ont mis tawhid al-ibada séparés, donc ça fait deux catégories au lieu de trois. Mais ça revient au même, puisque Tawhid al-Asma al-Sifat et al-Rububiyya, ça va ensemble en réalité. Et les ulama, ils les ont séparés pour que ce soit juste plus clair et plus simple. Hein? Sinon, les caractéristiques de al-Rububiyya, ça vient des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On va l'expliquer de toute façon. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, le Tawhid il est de deux catégories. C'est le Tawhid de la connaissance et de l'affirmation, c'est-à-dire Tawhid al-Rububiyya, qui comprend donc d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Créateur, le seul qui peut créer, qui contrôle tout, qui fait vivre et qui fait mourir, qui peut ramener un bien ou repousser un mal. Hein, ça c'est Tawhid al-Rububiyya, que c'est seulement Allah qui peut faire ces choses-là. Et cette catégorie-là, il y a peu de gens, presque pas d'être parmi les hommes qui nient cette catégorie de Tawhid. Là, même les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même aujourd'hui, si vous parlez avec les mouchriquins, vous allez voir qu'ils ne nient pas cette catégorie de Tawhid, qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, ou bien Tawhid al-Ma'rifa, ou al-Isbat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit à ce sujet-là dans le Coran, dans surat Yunus, le verset 31, dit au Muhammad, aux gens, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant de la mort, et qui fait sortir la mort du vivant, et qui contrôle l'affaire, ils diront Allah. Alors dit, ne réfléchissez-vous donc pas, hein, ne raisonnez-vous donc pas. Donc, c'est-à-dire que comment vous pouvez dire que c'est Allah qui contrôle tout ça et qui fait tout ça, puis après vous adorez des idoles, et après vous prenez des intermédiaires entre vous et Allah et vous associez avec Allah dans l'adoration. C'est une contradiction. Hein? Et donc, c'est pour ça que Allah dit « Afala tattaqoon ». n'avez-vous pas craint Allah subhanahu wa ta'ala, n'allez-vous pas le craindre? J'avais dit autre chose, mais c'est afala tattaqun. Parce qu'il y a d'autres versets où Allah dit afala ta'qilun, et c'est ça ce que j'avais traduit, mais je me suis confié avec ça. Mais bon, le cheikh dit wa amsaluha min al-ayat kathir. Il y a beaucoup de versets qui mentionnent cette notion-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne plein de versets dans lesquels il dit, il demande aux mushrikin, ولئن سألتهم إذن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ستلغدوا كي أكريل سياتا يقولون الله دونك إلا الساف وأمثالها من الآيات كثير وفيها البيان الواضح بأن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد وإنما كانوا يجحدون النوع الثاني منه وهو توحيد العبادة المتمثل في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة كما تدل عليه وتعبر عنه كلمة لا إله إلا الله إن هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عما سواه لشيخ il dit donc il y a donc dans ces versets là la clarification que les mushrikins ils confirmaient ils croyaient en cette catégorie de tawhid tawhid al-rububiyya Mais il n'y a uniquement la deuxième catégorie de tawhid, qui est la catégorie de tawhid dans l'adoration. Si on veut, on peut dire aussi que tawhid, al-ma'rifa wal-isbat, c'est le tawhid de la théorie. Al-ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance, et al-isbat, c'est l'affirmation. Et tawhid al-ibada, c'est le tawhid dans la pratique. Le tawhid dans la connaissance, et le tawhid dans l'application. C'est les deux catégories de tawhid. Et donc la plupart des mushrikins ils acceptaient la rububiyya mais ils niaient la deuxième catégorie de tawhid qui est le tawhid dans l'adoration qui comprend qui consiste à faire que notre adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans nos demandes et dans notre intention etc dans toutes nos adorations en fait que tout ce qu'on fait comme adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala Et ça, c'est exprimé dans la parole qu'on mentionne lorsqu'on fait le témoignage de la foi. La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Cette parole, elle affirme que l'adoration, dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nie l'adoration qui est offerte à quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose en dehors d'Allah n'a pas le droit d'être adorée. C'est ça la signification de la ilaha illallah. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ان يقولوها امتنعوا وقالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب لعلمهم ان من قالها فقد اعترف ببطلان عباده كل ما سوى الله واثبت العباده لله وحده فان الاله معناه المعبود والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فمن نطق بهذه الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع نفسه والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هي التلازم بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهرا وباطنا ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون أممهم بذلك ويحتجون عليهم بما يعترفون به من توحيد الربوبية لشيخ الزي lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم tout ce qu'on a expliqué maintenant ça nous explique pourquoi lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a demandé aux mushrikins de dire la ilaha illallah de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ils ont refusé de le dire et ils ont dit comme dans surat Sad le verset 5 est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une divinité unique C'est-à-dire de toutes celles qu'on adorait, il les a éliminées, il a fait qu'on adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha la shay'un ujab. C'est une chose étonnante. Donc, c'est-à-dire que, il savait que le fait de dire la ilaha illallah, ça vient annuler l'adoration de tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures. Et donc, ça implique aussi d'affirmer que seul Allah mérite d'être adoré et seul lui doit être adoré. Parce que, en arabe, le mot ilah, quand on dit la ilaha, eh ben, ilaha, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré, qu'est-ce qui est ma'boud. Donc quand tu dis la ilaha, c'est quand tu dis il n'y a pas rien qui doit être adoré, excepté Allah, illallah. Et al-ibada c'est quoi? Al-ma'boud, quand on dit la ilaha, la ma'bouda illallah, ou la ma'bouda bihaqqin, c'est ça la bonne traduction en arabe, la ma'bouda bihaqqin illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré. Mais c'est quoi adorer? Et c'est quoi l'adoration? Si tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie l'adoration, alors il y a un autre problème maintenant. Parce que tu risques d'adorer donc Allah, puis tu ne sais même pas que ce que tu fais c'est de l'adoration. Et donc tu tombes dans le shirk à cause de ton ignorance de la signification de ce que c'est d'être, de ce que c'est que d'adorer. Hein? Et donc le shirk il définit, il dit al-ibada, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Al-ibada, c'est un nom qui rassemble et qui réunit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il agrée parmi nos paroles et nos actions et nos paroles. Que ce soit des paroles et des actions qui sont apparentes ou bien des paroles et des actions dans notre cœur, qu'on dit à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ça, si Allah l'aime et si Allah l'a agréé, et qu'on a vu ça dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, Allah nous a dit au sujet de ses actions et au sujet de ses paroles qu'il les aime et qu'il est satisfait de ses paroles et de ses actions, ça veut dire que ça c'est une adoration. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a des gens, parmi les gens de Bid'a, les gens d'égarement maintenant, ils vont aller devant une tombe puis ils vont faire des doigts à la personne qui est morte, lui demander quelque chose. Lui demander un enfant, lui demander la guérison. Et ils disent, on n'est pas en train de les adorer. Eh bien, vous leur dites, mais si vous n'êtes pas en train de les adorer, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? N'est-ce pas que le dua, c'est une adoration? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-dua, huwa al-ibada. Le dua, c'est l'adoration. Hein? Donc, ces gens-là, ils ont un problème avec la signification de l'adoration. Et si vous retournez au livre que Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, qui s'appelle Kashf al-Shubuhat, eh bien vous voyez que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il argumente avec ces gens-là qui adorent les tombes, eh bien justement il débat avec eux sur la signification de l'adoration. Et il leur explique que vous n'avez pas compris la réelle signification de ce que veut dire adorer Allah. Et l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous aviez compris ce que ça veut dire, eh bien vous ne seriez pas en train de demander de faire des doigts à un mort. Et penser que ça c'est pas une adoration, hein? Donc ça c'est un exemple. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc, celui qui prononce cette parole de la ilaha illallah, et puis que par la suite il va invoquer ou faire des du'as à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est contredit lui-même. Il a dit, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. C'est comme s'il disait, rien ne mérite d'être invoqué, excepté Allah, rien ne mérite qu'on lui fasse des du'as, excepté Allah, rien ne mérite qu'on se prosterne devant lui, excepté Allah, rien ne mérite qu'on, etc. Donc, toutes les adorations, il n'y a personne qui les mérite, excepté Allah. Et donc, si tu es en train d'invoquer, de demander à autre qu'Allah, tu es en train de faire du shirk. Tu es en train de faire le contraire de ce que tu prétends dans ton témoignage de la ilaha illallah. Et donc, tu t'es contredit en disant la ilaha illallah. Et les mouchriquins, eux, ils ont compris ça. Et le cheikh explique que, donc, ils ont compris ça, donc ils ont refusé de le dire. Et par contre, aujourd'hui, il y a des gens qui le disent, la ilaha illallah, puis qui font quand même le contraire. Il dit qu'il y a un lien entre les catégories de tawhid. Il y a un lien entre Ar-Rububiyya et avec Al-Uluhiyya, les deux sont reliés ensemble. On ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que, quand on a affirmé tawhid Ar-Rububiyya, ça nous oblige d'accepter tawhid Al-Uluhiyya. Et de l'établir et de se tenir sur ce tawhid en apparence et à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple, ils ont utilisé comme argument pour les convaincre que seul Allah mérite d'être adoré, ils ont utilisé comme argument que Allah subhanahu wa ta'ala a toutes les caractéristiques de Ar-Rububiyya. Que c'est lui Ar-Rab, que c'est lui Al-Khaliq, que c'est lui Al-Raziq, que c'est lui Al-Muhyi, que c'est lui Al-Mumit, que c'est lui Al-Nafi', que c'est lui Al-Dar. Donc il leur a fait comprendre que c'est seul Allah qui crée, c'est seul Allah qui fait vivre, c'est seul Allah qui fait mourir, etc. Donc si vous croyez en ça, alors pourquoi vous avez besoin d'adorer d'autres? hein, puisque vous êtes témoin et vous êtes d'accord avec moi que ce que vous adorez en dehors d'Allah n'ont rien de la rububiyya. Hein? Donc c'est ça que le cheikh leur a expliqué. Le cheikh a expliqué par rapport à ces choses, à ce point-là. Et il mentionne des versets dans le Coran, comme a dit Ta'ala, Zalikumullah Rabbukum, La ilaha illahu, Khaliqu kulli shay, fa'abuduhu, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون لشيخ المرسل لنفسسان دي dans سورة الأنعام dans lequel الله سبحانه وتعالى dit voici votre Seigneur il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui il est le créateur de toutes choses alors adorez-le et il est garant de toutes choses. Et il mentionne le verset 38 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu un mal, est-ce que ces idoles, ou celles que vous adorez, sont capables de l'enlever, ce mal, que Allah a voulu pour moi? Ou bien si Allah a voulu une miséricorde pour moi, est-ce qu'elles sont capables de retenir cette miséricorde? Non. Hein? Alors Allah dit قل حسبي الله dit à ces mouchriquins حسبي الله Allah me suffit عليه يتوكل المتوكلون c'est sur lui que ceux qui mettent leur confiance doivent mettre leur confiance ok donc tout ça c'est les arguments que Allah a donné aux mouchriquins imaginez maintenant le contexte parce que aujourd'hui on est loin de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais imaginez-vous qu'on est devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on le voit en train de parler aux mouchriquins et d'argumenter avec eux Et quand ils disent quelque chose comme une shubha ou quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réfute en leur mentionnant un verset, en leur mentionnant une parole, etc., pour clarifier leur égarement et leur mensonge. Hein? Et donc tout ça, c'est important de, quand on récite le Coran, quand on lit les hadiths et tout, de s'imaginer justement que ces choses-là sont révélées pour nous. Aujourd'hui, c'est comme si elles étaient encore fraîches aujourd'hui, hein, même si c'était révélé à une autre époque, mais la parole d'Allah, hein, elle est applicable, elle est valable pour toutes les époques. Et les mêmes shubuhat que les mushrikin avaient à cette époque-là, ils ont encore les mêmes shubuhat aujourd'hui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré dans son livre que ce livre-là, il est inattaquable, il est inébranlable. De tous les sens qu'ils peuvent essayer d'arriver pour l'atteindre, ils ne sont pas capables. Et les arguments qui sont dedans sont solide. Et donc, les mouchriquins, ils ont des problèmes avec l'islam, tandis qu'avec les autres religions, ils n'ont pas de problème en général. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, les chrétiens sont entrés en Inde. Eh bien, les hindous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jésus, ils en ont fait une de leurs divinités. Ils l'ont avalé. Ils ont avalé le christianisme. Le christianisme, il est rentré dans leur shirk. Déjà, parce que c'est la même base. Hein. Et les autres, toutes les autres religions qui sont entrées en Inde, c'est la même chose à chaque fois. Ils avalent toutes les religions, sauf les musulmans. Ils ont eu des gros problèmes avec eux. Et ils ont réussi avec les soufis, hein, avec les bid'a qu'ils ont, et ils ont mélangé certaines croyances hindoues avec les croyances islamiques pour essayer de les égarer. Il y en a parmi eux qui ont dévié dans ce sens-là. Mais sinon, les vrais musulmans qui sont sur le tawhid et sur la sunna, jamais ils sont capables d'avaler ou de les incorporer avec eux dans leur religion ou dans leur shirk. Hein? Et c'est ça qui montre la force de l'islam. Et actuellement, si on regarde, par exemple, que ce soit à la Grèce, dans l'Antiquité, chez les Grecs, quand ils adoraient plein de divinités, ou chez les Hindous aujourd'hui, ou bien aujourd'hui, en Occident, avec leur laïcité, avec toute leur divinité, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas de différence entre l'Inde et les pays occidentaux qui appellent à la laïcité, puisqu'ils acceptent toutes les divinités et toutes les dieux. Même les Hindous peuvent venir ici, ouvrir un temple avec 1000 dieux dedans, ils vont l'accepter. Ils vont dire, vous pouvez toutes les adorer comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Hein? Et pour eux, d'adorer la vérité, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et d'adorer le... même si quelqu'un décide d'adorer, je ne sais pas quelle autre statue ou quelle autre idole, ou d'adorer le soleil ou la lune, si quelqu'un dit on veut commencer une nouvelle religion, si quelqu'un demain dit on va commencer une nouvelle religion, on va adorer le soleil, personne va leur dire quoi que ce soit. Mais oui, si vous voulez, faites ça. Hein? C'est pas notre problème. Mais si tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre sa religion, ça c'est un problème. Hein? Et donc c'est ça qui montre la grandeur et la force de l'islam. Non. Ok. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, espérant que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce rappel. Et puis, c'est toujours bon de se rappeler du tawhid et des bases de l'islam. Donc on continuera d'autres durous demain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم جزاكم الله